Vous qui aimez chercher les détails d'une ville, à quand le guide du 19e siècle pour Paris ou pour Londres? Ah ça j'aimerais bien. Plus Paris que Londres, parce que je suis quand même plus spécialisé sur Paris. Peut-être avec le prêt Auclair qui avait arrêté sa collection Pandore. Mais bon, on avait parlé comme ça, mais j'aimerais beaucoup le faire. Je sais pas quand. Vous voyez-vous plutôt comme un James West ou un Artemus Gordon, voire un docteur Miguelito Loveless de vos mystères, qu'il soit du 19e ou du 20e? Ah, j'aime bien les références. Je pense que je dois avoir le cerveau de Miguelito, l'amour des mécanismes étranges d'Artemus. Bon, j'ai pas la taille fine de James, mais dans mes rêves. Pour faire suite à cette question, entre le dictionnaire de la racaille, vos textes qui sentent bon l'enquête et le parcours des villes que vous aimez, vous pourriez devenir enquêteur ou guide? Guide? Non, guide, sérieusement, ça, pourquoi pas? Si les bouquins périclitent, que les lecteurs meurent touchés par un virus étrange, qu'il faut trouver un autre boulot, bah guide, effectivement, dans un vieux fourgon Volkswagen, je me balade et je raconte des histoires in situ. Ça me plairait assez.